L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Anne-Laure Liégeois, vous êtes metteur en scène pour nous présenter le spectacle Les Époux. Un spectacle qui a donné lieu à une commande passée à un auteur, David Lescaut. Auteur avec qui, je crois avoir lu, c'était une première rencontre, un premier travail avec cet auteur. Oui, c'est-à-dire que je travaille très souvent avec différents auteurs, qu'on a inventé beaucoup d'aventures, notamment des rencontres qui se passaient à Hérisson. Et avec David, jamais on avait pu se rencontrer. J'ai pu travailler avec Pierre Note, avec Rémi DeVos, avec Marie Nimier, beaucoup d'auteurs. Et David, les calendriers n'allaient jamais. Donc là, voilà, c'était l'occasion de passer une commande, mais sur un texte qui était un texte de longue durée. Et voilà, un texte pour le plateau et pour deux comédiens. Il savait qu'il allait écrire pour Olivier Dutillois et Agnès Pontier. L'histoire d'un couple de tyrans qui, comme d'autres avant eux, ont fait du goût du pouvoir une saga démesurée. Et vous avez choisi ensemble. La commande, vous l'aviez orientée? Oui, en fait, j'ai demandé à David d'écrire sur les Ceausescu. L'an passé, j'ai mis en scène Macbeth et depuis pas mal de spectacles, je m'intéresse au rapport de pouvoir et au rapport de l'intime, comment l'intime mène le monde. Et là, j'avais envie, après avoir travaillé sur Macbeth et Lady Macbeth et avoir travaillé le texte de Shakespeare du côté du couple et de l'amour, travailler avec des tyrans plus contemporains. Et donc, mon dévolu est tombé sur les Ceausescu, parce que c'est vrai qu'on dit les Ceausescu, c'est vraiment un couple. C'était pour moi un peu aussi le début de ces couples de pouvoir que l'on peut continuer à voir aujourd'hui encore et certainement demain. Et puis, il y avait la Roumanie, qui est un pays qui m'est cher, et puis le communisme, et puis aussi, je pense, un moment assez traumatique pour moi qui a été en 89 quand j'ai vu à la télévision, j'ai pu suivre un jour de Noël leur procès qui a donné lieu à beaucoup de questions aussi par la suite avec... Et puis qui continue encore à... Enfin, j'ai pu revoir des reportages de l'INA, tout ça, où on parle beaucoup de Timișoara. Le pouvoir de l'information est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup. Alors, la dimension qu'il a fallu donner, ou en tout cas, c'est peut-être une intention de metteur en scène, c'est... à partir de cette fable terrible, parce qu'elle est terrible cette fable, hein, sur au-delà de l'alliance entre le pouvoir et l'amour, il faut arriver à rire pour s'en libérer. C'était dans vos notes d'intention, et est-ce que vous y êtes parvenu? Oui, je crois, parce qu'on a pu... le spectacle vient d'être créé, et on a vu que les spectateurs riaient, et on rit de... On rit effectivement de choses terribles, hein, parce que ce qui est surtout terrible, c'est... Enfin, la pièce de David, en fait, représente les deux... Il n'y a que deux personnages, Nicolas et Elena, et en fait, avec leur goût du pouvoir, leur enrichissement, ce qu'on lit, c'est ce qu'il y a en creux, c'est-à-dire la misère, l'appauvrissement, la négation de l'individu. Le début de la pièce commence comme une vague conférence animée par deux commentateurs qui vont raconter l'histoire de ce couple, Ceausescu, couple de tyrans qui auront marqué l'histoire de la Roumanie et bien au-delà. Et l'histoire part de leur enfance jusqu'à l'exécution, leur exécution. Donc pourquoi être reparti de leur enfance ? Pour trouver l'origine du pouvoir, l'origine et l'origine de leur couple et l'origine de leur relation. Et c'est vrai que ça commence, la scénographie, c'est une espèce de boîte blanche et on a deux individus qui sont là, habillés en costume folklorique roumain, qui reçoivent les spectateurs avec une musique folklorique roumaine et ils vont commencer à raconter l'histoire de il et de elle, puisque en fait les deux ne sont jamais nommés. Et puis petit à petit, ces deux commentateurs qui sont en train de faire ce ce petit numéro comme ça pour parler à des gens qui sont venus parler de la Roumanie. Et petit à petit, ils deviennent, eux, Nicolas et Elena. Et leur relation évolue sur une relation de pouvoir entre eux. Et petit à petit, l'espace aussi se transforme. C'est-à-dire qu'on a toute une partie qui est dans ce blanc et vraiment des commentateurs, et d'un seul coup ils glissent et deviennent eux deux, les deux personnages, jusqu'à leur fin où les comédiens ensuite regardent comme nous on a pu regarder le procès à la télévision. Il y a un travail de vidéo qui a été fait à partir de documents historiques, parce que en fait il y a un très très beau film qui s'appelle L'autobiographie de Ceausescu, qui a été un film qui a été fait à partir uniquement de documents officiels, puisqu'il n'y avait rien d'autre, et le réalisateur a pu, donnant ces documents officiels, raconter l'histoire du peuple roumain aussi. Et c'est un peu ce que fait le spectacle. Et il y a des moments où il y a ces documents qui sont projetés. Il y a aussi tout un travail de fait sur des changements de lieu, uniquement avec des projections, et notamment des projections de papier peint, dont je suis assez heureuse. Quand on revient, effectivement, on faisait tout à l'heure le parallèle avec Macbeth de Shakespeare, on voit bien effectivement que c'est sur les mêmes ressorts qu'il peut y avoir cette alliance entre l'amour et le pouvoir, l'un se nourrissant de l'autre. Oui, c'est-à-dire que je pense que avec David, on partage aussi, enfin lui est, c'est mon goût pour Shakespeare, a été présent aux représentations de Macbeth. Il y avait même, à des moments, il avait même glissé quelques répliques qui étaient des répliques de Macbeth et Lady Macbeth. Et on a vraiment le même type de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a une femme manipulatrice, comme l'est, en tout cas dans ce que j'ai eu envie de montrer, Lady Macbeth sur Macbeth, qui avait essentiellement cette phrase « Sois un homme ». Elle lui demandait de prouver dans le texte de Shakespeare, je relevais particulièrement tous ces moments où elle lui demandait d'être virile. Et en fait, Elena fonctionne un peu pareil avec Nicolas. Enfin, je les appelle Elena et Nicolas comme si on se connaissait, qu'on se fréquentait, qu'on s'aimait bien, pas du tout. Mais c'est vraiment comme si Lenuta Ceausescu était aussi avec Nicolas Ceausescu, une espèce d'instigatrice de tout. Et en même temps, lui, dès l'instant où il a le pouvoir, dès l'instant où il commence à savoir parler, où il ne bégaye plus, il a chasse. Mais au contraire de Lady Macbeth qui finit par sauter, par se suicider, elle se bat pour continuer à avoir le pouvoir. Et jusqu'au bout, ils seront vraiment un couple, ils seront toujours côte à côte. Et dans le procès, on les voit, ils ont des gestes assez... C'était assez intéressant d'étudier aussi toutes les images du procès, parce qu'ils ont des gestes très affectueux et assez autoritaires l'un vis-à-vis de l'autre. Elle a une petite pochette blanche posée sur la table d'école, là, dans la salle de classe où ils sont. C'est les médicaments de son mari qu'elle garde. Enfin, et puis, elle a demandé à la fin à ce qu'ils soient fusillés ensemble. Enfin, c'est un couple aussi qui fonctionne beaucoup dans l'insulte. C'est vrai que ça nous ramène à des histoires même encore plus actuelles, plus contemporaines. On parle effectivement de Bachar et Asma el-Assad en Syrie, des histoires probablement qui se nourrissent des mêmes ressorts. D'autres histoires, on parlait des révolutions dans le monde arabe, on a vu aussi des couples, comme en Tunisie en particulier, forts qui sont devenus avec l'histoire des tyrans. Alors, il faut en rire parce qu'effectivement les sujets sont graves. Je crois avoir lu que le grotesque n'est pas loin dans la pièce. Oui, pour revenir sur les couples aussi, c'était aussi, il y a quelques petites phrases, comme il y a un moment, Elena Ceausescu dit à son mari, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces dictateurs à mettre en avant leur femme actrice, enfin, il y a des petits clins d'œil comme ça aussi, c'est peut-être que le spectacle dit aussi, attention, quand l'intime entre dans la sphère du public, ça peut être dangereux. et que le goût du pouvoir peut aussi bien se traduire et finir ainsi. Oui, mais parce que le goût du pouvoir à l'intérieur du couple, c'est vraiment l'image du goût. C'est le goût du pouvoir, il n'y a qu'un goût du pouvoir, qu'il soit pour un individu ou pour toute une nation, ça reste le goût du pouvoir. Les époux, donc une pièce à découvrir au mois de mai 2016 dans le cadre de la Nuit du Théâtre. Et ça sera donc à l'Apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre. On aura l'occasion bien de vous rencontrer à nouveau à cette occasion. Oui, c'est intéressant d'ailleurs la programmation qu'a faite Jean-Joël Le Chaplin parce qu'il associe deux spectacles. Puisqu'il y a un jour, j'ai vu, on va jouer en même temps que Richard III. Donc cette association avec Shakespeare, je suis assez intéressée de participer à cette nuit-là. Merci Anne-Laure Liégeois, merci.